9-12. Observation, destination, attribution, je, à la, à, l'apostrophe, au, au. Destination, elle va à la fac. Elle va à l'aéroport. Elle va au resto U. Elle va aux Antilles. Attribution, donnons un prénom à la jeune fille. Donnons un prénom à l'étudiante. Donnons un prénom au jeune homme. Donnons un prénom aux jeunes gens. Je. Jouons à la belote. Jouons à l'écarté. Jouons au loto. Jouons aux échecs. Notez que O remplace A plus l'article le. Cependant, nous avons A, l'apostrophe, devant un singulier commençant par une voyelle. Notez que O, AUX, remplace A plus l'article les. Devant une voyelle, le X de O se prononce V. Il y a liaison aux échecs.